Un exposé national technoscientifique du secteur de l'industrie électrique a eu lieu les 29 et 30 novembre au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont pris part des enseignants, chercheurs, techniciens, membres du Cercle des Trois Révolutions, membres de doctorat et ouvriers de diverses unités d'activité comme l'Université Kim Il-sung, l'Université de technologie Kim Tsek, l'Institut de l'électricité de l'Académie nationale des sciences. À l'exposé, répartis en sections de l'industrie électrique et des machines et appareils électriques, une soixantaine de dissertations ont été présentées. On y a remis des diplômes et prix aux meilleurs participants.